La vie peut pas t'appartenir, elle demande beaucoup trop d'espèces. Gentil, méchant, la galère te finit à l'arbalète. Et la godillère me stresse, c'est que le pas blesse. Tu fais le bandit à l'écran, si tes garçons viennent, on se laisse. On a connu pire, mon négro, ça peut finir en chou, mon négro. Ton hypocrisie, mon négro, t'es pas la bienvenue chez nous, amigo. Faut qu'on capitalise, on ego. Banquier m'appelle sur mon bigo. Faut tout assumer comme des grains, faut qu'on finisse comme des grains. Si c'est la fête, c'est que j'ai vu la galère. Jamais j'arrête, mes rembages les gère après. On joue en mise, ces bâtards on les maltraite. Mes mogos efficaces font que le cachet les brigands. J'ai mal à la vie mon héros, j'ai mal à la vie mon héros. Ça finit toujours pareil, les frérots partis mon héros. Ah, j'ai mal à la vie mon héros, on m'a dit c'est la vie mon héros. Ça finit toujours pareil, ouais c'est nos vies mon héros. Les problèmes les pétassent, pareil c'est la vie d'artiste. Lunettes, version teintée, vision cara, Dieu merci. Les problèmes les pétassent, pareil c'est la vie d'artiste. Lunettes, version teintée, vision cara, Dieu merci. J'ai mal à la vie mon négro, chez moi ça s'allume pour de l'ego. Je revois les flashs, je repense aux défunts, je te fais pas descendre. Ils voient un zoom, je me bats pour la patrie. Quelques négos, je voyage et reparti. 30 000 euros, je dépense dans les shopping. Et le gamo s'est garé dans le parking. Mort efficace, demande à finalité. On peut te la mettre avec le silence. Tu m'as l'air hésitant devant la détente. Ta cousine a cherché à me fréquenter. Yeah. J'ai trop l'attitude d'un brigandé. Yeah. Ramène la chaise qu'on met ensemble. Si c'est la fête, c'est que j'ai vu la galère. Jamais j'arrête, mes rembages les gère après. On joue en mise, ces bâtards on les maltraite. Mes mogos efficaces font que le cachet les plus gagne. J'ai mal à la vie mon ego, j'ai mal à la vie mon ego. Ça finit toujours pareil, les frérots partis mon ego. Ah, j'ai mal à la vie mon ego, on m'a dit c'est la vie mon ego. Ça finit toujours pareil, ouais c'est nos vies mon ego. Les problèmes les pétassent, pareil c'est la vie d'artiste. Lunettes, version teintée, vision cara, Dieu merci. Les problèmes les pétassent, pareil c'est la vie d'artiste. Lunettes, version teintée, vision cara, Dieu merci. 2-2-5 au 9-2. La G, la Gaulle, le Goon Show, au calamar. Plus de temps d'enfer, mon égard.